إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on continue notre dars sur l'explication du livre du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, un passage qui était le mufti du sud de l'Arabie Saoudite. Et on est dans le cours numéro 11, et on continue donc avec la réfutation des paroles de Mustafa al-Siba'i au sujet de ses paroles au sujet du christianisme et au sujet de la constitution et des choses de ce genre et de la démocratie. Donc on va lire les paroles maintenant du Cheikh Ahmed al-Najmi lorsqu'il continue à parler au sujet de la lettre qu'on avait lue à la fin du dernier cours, de ceux qui disaient que les chrétiens rentrent au paradis et des choses de ce genre. Donc le Cheikh il dit: فصل وأخيرا أترى قول هؤلاء وتصرفاتهم قول من يتبع الحق ويدعو إليه أو هو العكس، لقد بلغ بهم التهور إلى أن حكموا لليهود والنصارى بدخول الجنة، ومن لازم ذلك صحة دينهم، ومن لازم القول بصحة دينهم والقول بدخولهم الجنة تكذيب الله عز وجل في خبره، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Donc le Cheikh il commence dans ce passage là en disant: et dernièrement, est-ce que vous considérez que l'attitude de ces gens là et leur façon d'agir et leur façon de faire envers les chrétiens et les paroles qu'ils disent et leur attitude, est-ce que vous considérez que c'est l'attitude de celui qui suit la vérité et qui appelle à la vérité, ou bien le contraire? Hein? Bien entendu, c'est le contraire. Et le Cheikh il dit que il nous est arrivé également, c'est-à-dire l'information où on nous a transmis que ils ont eu même l'audace de déclarer ou de décréter que les juifs et les chrétiens vont entrer au paradis, et ça implique que leur religion est bonne. Et qu'est-ce qui est impliqué lorsqu'on regarde bien la parole de celui qui dit que leur religion est bonne et qu'ils vont rentrer au paradis? Ça implique quoi? Ça implique qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a menti dans ce qu'il dit dans le Coran. Et donc le Cheikh il cite les versets 161 et 162 dans le Coran, dans Surat An-Nisa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets là: c'est à cause des iniquités des juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ceux qui obstruent le sentier d'Allah et à eux-mêmes et à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent du riba, hein, ils prennent des intérêts qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ensuite, le cheikh dit, mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi en ce qui a à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, paient la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. Donc, alhamdulillah, on voit bien dans ces versets-là que Allah subhanahu wa ta'ala distingue entre les croyants parmi ces gens-là et les mécréants parmi ces gens-là. Et les croyants parmi ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les définit en disant que ce sont ceux qui ont foi en ce qu'on a fait descendre sur toi, c'est-à-dire en le Coran qui a été descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on a fait descendre avant. Donc, celui parmi les juifs et les chrétiens qui refuse de croire en ce qui est descendu et révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des kuffars, il fait partie des mécréants, il ne fait pas partie des croyants. Donc, le cheikh, il dit, ensuite, après avoir cité ce verset-là, il dit, فالآيات الأولى أخبر الله عز وجل أنه حرم عليهم أو حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم بسبب ذنوب ارتكبوها وأعظمها الصد عن سبيل الله وأخذ الربا وقد نهوا عنه وأكل أموال الناس بالباطل هذه عقوبة دنيوية ثم قال وَعَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا سَمَّاهُمْ كَافِرِينَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَعَدَّ وَهَيَّأَ لَهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمْ عَذَابًا أَلِيمًا أي مُؤْلِمًا مُبَرِّحًا شَاقًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثم استثنى الراسخين في العلم منهم والمؤمنين بالله وما أنزل على أنبيائه قبل محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين والمؤمنين باليوم الآخر وأخبر أنه سيؤتيهم أجرا عظيما في الجنة وهذه الآية نزلت في الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه وهي شاملة لمن آمن منهم بما ذكر قبل نسخ شرائعهم فمن زعم أنها شاملة لما جاء منهم بعد نسخ شرائعهم فقد افترى على الله أعظم الفراء وكفر بما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit que dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset qu'on a cité, 160, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit beaucoup de bonnes choses aux enfants d'Israël. Pourquoi? À cause des péchés qu'ils ont faits. Donc, à la base, les choses étaient halal, il y a beaucoup de choses qui étaient halal pour eux, et à cause de leurs péchés, Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits pour eux. Hein, et a rendu la religion plus difficile pour eux, justement pour les punir à cause de leurs péchés. Et parmi ces grands péchés-là, il y a le fait d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre un riba et de manger illicitement les biens et les richesses des autres. Et bien entendu, ça c'est des péchés que si les musulmans, nous, on les fait également, eh ben, on risque d'être punis de différentes façons également dans cette dunya, sans parler de Al-Akhirah. Donc c'est pas juste pour les gens du livre, c'est des punitions pour ces péchés-là, bien entendu. Juste un commentaire en passant. Mais ensuite, le cheikh, il dit que ça, c'est une punition pour eux dans cette vie d'ici-bas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a préparé pour les mécréants d'entre eux un châtiment douloureux. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des kafirines, il les a appelés des non-croyants, des mécréants. Et il a informé également qu'il a préparé pour eux dans l'enfer un châtiment douloureux qui fait mal, hein, qui est dur. Voilà, iyadu billah, que Allah nous en protège. Et il a exempté parmi ces gens, parmi les gens qui font partie des juifs et des chrétiens et des kuffars en général, mais là dans ce verset-là c'est en particulier les juifs. Il dit ceux, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une exception de ceux d'entre eux qui sont fermement ancrés dans la science parmi eux et les croyants en Allah subhanahu wa ta'ala et qui croient en ce qui a été révélé au prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui croient en ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, et qui croient au jour dernier, ainsi de suite, et en les autres articles de la foi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, à ceux qui ont cru parmi eux, qu'il va leur donner une grande récompense dans le paradis. Donc, ça, c'est les versets qui ont été descendus au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et ça, c'est des versets qui sont descendus au sujet de ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont suivi. Et donc, ça, c'est des versets qui comprennent ou qui impliquent ceux qui ont cru parmi les juifs. Ceux qui ont cru, soit ceux qui ont cru avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avant que leur loi soit abrogée, et c'est-à-dire ceux qui ont cru en leur prophète et en leur religion comme il faut, hein, sans faire de shirk, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là sont des croyants en leur religion et ils sont des mu'minis, sont des musulmans. Mais ceux qui sont venus après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et après que leur religion fut abrogé et qui ont refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont continué à suivre leur religion même après l'abrogation, même après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors celui qui dit que ceux-là sont des croyants, alors il a inventé un grand mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala et il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Mustafa. Donc ça c'est très important de faire cette distinction-là et cette nuance-là. Hein? Il faut bien comprendre qu'on n'a pas le droit de dire, par exemple, que les juifs et les chrétiens aujourd'hui qui suivent leur religion sont des croyants. Parce que, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a le choix par la suite de suivre le Coran et la Sunna. Hein? Avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui suivait le message des autres prophètes qui sont venus avant. Eux, ils avaient une raison ou une excuse de le faire. Mais après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là, ça y est, maintenant, ils doivent accepter la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le Coran et la Sunna. Et, il y a des gens, parfois, comme on sait qu'on avertit contre les gens qui font partie de la voie des Khawarij et qui font le takfir des croyants sans aucune preuve et sans droit. Et on avertit de leur fitna et de leur takfir. Mais il y en a parmi des gens qui sont égarés, et qui pensent que le takfir, c'est interdit de déclarer les juifs et les chrétiens koufars. Ils pensent que celui qui dit à propos des juifs et des chrétiens que ce sont des koufars, il dit « Ah, ça c'est un takfiri ». Non, un takfiri, c'est pas celui qui dit. C'est un takfiri, quand on blâme les gens et on dit de eux qu'ils sont des takfiriens, ce sont des gens qui exagèrent dans le takfir, qui dépassent la limite d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui déclarent kuffar ceux que Allah et son messager n'ont pas déclaré comme étant kuffar. Et les juifs et les chrétiens ne font pas partie de ceux qu'on doit s'abstenir de les déclarer kuffar, au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala les a lui-même déclarés kuffar dans le Coran, dans plusieurs versets. Donc, celui qui dit des juifs et des chrétiens qu'ils sont des kuffar, ce ne sont pas des takfiriens, ce ne sont pas des khawarij, non, parce qu'ils déclarent kuffar ce que Allah a déclaré kuffar. Il faut faire une distinction. entre celui qui fait le takfir des musulmans puis celui qui fait le takfir des koufars. Les deux, c'est deux choses différentes. D'accord? Et le fait qu'on dise, le fait qu'on dise des chrétiens et des juifs que ce sont des koufars, ça ne justifie pas qu'on soit en train de leur faire des attentats ou des actes de terrorisme ou bien de les tuer ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est de la transgression et quelque chose d'interdit à leur sujet. Hein? Dans les limites de l'islam, comme on a expliqué dans d'autres cours. Le cheikh il dit ensuite, « Wa qala ibn Kathir rahimahullah, قال ابن عباس رضي الله عنه أنزلت يعني هذه الآية لكن الراسخون في العلم الآية في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles de Ibn Kathir rahimahullah. Ibn Kathir il mentionne les paroles d'Abdullah ibn Abbas à ce sujet-là radiyallahu anhuma, et il dit quoi? Il dit que ce verset lakin rasikhuna fil ilm, c'est un verset qui a été révélé au sujet des gens qui étaient parmi les juifs et qui se sont convertis à l'islam à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, les gens qui sont fermement ancrés dans la science, c'est-à-dire, hein, Allah parle des juifs qui ont accepté l'islam à l'époque, comme par exemple Abdullah ibn Salam et Sa'labat ibn Sa'id et Asad ibn Ubayd. Ça, c'était des juifs qui ont accepté l'islam à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui faisaient partie des rabbins parmi les juifs et qui ont accepté l'islam et qui sont rentrés dans l'islam et qui ont cru au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui a cru au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les juifs, hein, eux sont ceux qui sont mentionnés dans ce verset là, c'est de ceux-là que Allah parle dans le Coran. Et donc ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de versets que ces gens-là, des gens de parmi les Ikhwan et d'autres tendances également comme des soufis ou d'autres qui refusent de déclarer koufar les juifs et les chrétiens, ils se basent sur certains versets justement qu'ils citent en dehors de leur contexte pour essayer de faire croire qu'il y aurait par exemple des croyants parmi les gens du livre, et ils mentionnent des versets comme celui-là et des versets qui, comme l'autre verset par exemple qui dit dans le Coran, Laysu sawa, hein, ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas égaux, parmi eux il y a une communauté qui croit, et ainsi de suite. Donc il mentionne ce verset-là, et il mentionne également d'autres versets comme par exemple le verset qui dit Innal ladhina amanu, j'ai oublié le verset, c'est dans Surat Al-Baqara, puis il y a aussi dans Surat Al-Ma'ida ce verset-là qui mentionne que ceux qui ont cru, le verset ne me revient pas à l'esprit là. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc il mentionne des versets comme ça, par exemple, qui disent des versets qui disent ceux qui ont cru et ceux qui ont été juifs ou qui ont été الذين هادوا والنصارى et les chrétiens et les صابئين, donc ainsi de suite. Il mentionne des versets comme ça pour essayer de faire croire que ça c'est des versets qui parlent des gens d'autres religions et que eux aussi vont avoir une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Bien entendu, ça c'est des gens qui ont cru en leur religion à l'époque avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en leur messager, qui n'ont pas fait de shirk, hein, ceux-là ils vont avoir leur récompense. Mais ceux qui sont venus après la venue du messager, qui ont reçu le message du messager du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont entendu parler du Coran mais qui ont refusé d'y croire, ben là ceux-là sont parmi les koufars, bien entendu. Donc ça c'est des exemples de shubuhat, et ça fait partie de ce que les ulama mentionnent comme ceux qui suivent qu'est-ce qui est mutashabih, c'est-à-dire ceux qui suivent qu'est-ce qui peut porter à plusieurs interprétations, et qui laisse ce qui est muhkam dans le Coran, qui laisse qu'est-ce qui est clair dans le Coran au sujet du takfir de ces gens-là parmi les juifs et les chrétiens. Donc, vous entendez ces gens-là aujourd'hui débattre au sujet des chrétiens et ils essaient de faire croire aux gens que ceux qui disent, les musulmans qui disent à propos des juifs et des chrétiens que ce sont des koufars, ils essaient de les mettre parmi les terroristes et de dire que ce sont des extrémistes et que ce sont des gens d'égarement. Et bien entendu, ça c'est faux, Yann. Il y a une différence entre les extrémistes et le fait de dire la vérité qui est écrite dans le Coran. Ça, c'est pas une forme d'extrémisme. L'extrémisme, c'est de dépasser la limite d'Allah et de son messager par rapport à ce qui est dans le Coran. C'est ça l'extrémisme. L'extrémisme, c'est pas de suivre la vérité. Hein. Celui qui considère que de suivre la vérité, c'est une forme d'extrémisme, alors dans ce cas-là, c'est lui qui est un extrémiste. Hein. Donc ensuite, le cheikh dit faslun, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّصَارَ الْقَائِلِينَ بِالتَّثْلِيثِ والمؤهلين والمؤلهين لعيسى بن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام وأمه البتول الصديقة رضي الله عنها والذين ينسبون إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل الولد ومن زعم أن أصحاب هذه العقائد على دين صحيح يرضاه الله ويدخل أهله الجنة فقد كذب وافترى وأعظم على الله الفرى وكفر بما أنزل على محمد ابن عبد الله النبي الهاشمي صلى الله عليه وسلم بل إنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يتبعه فهو كافر من أي دين كان. Le cheikh il explique pour encore plus clarifier encore plus, il dit quiconque pense que les chrétiens qui sont aujourd'hui, qui existent aujourd'hui, qui disent qu'ils croient en la Trinité et qui font de Jésus une divinité et de sa mère également, hein, il déifie Jésus et sa mère. Donc ceux qui font ça et qui donnent à Allah un fils, celui qui croit que ces gens-là sont des croyants et que leur croyance est correcte et qu'ils rentrent au paradis, alors celui qui dit ça, il a menti, il a inventé un grand mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala et il a mécru, il a rejeté la foi en ce qui a été révélé à Muhammad, le fils d'Abdillah, le prophète de Bani Hashim sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire al-Hashimi, comme le cheikh l'a appelé. Et donc, bal innahu ba'da bi'athati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certes, celui qui vient après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager et qui ne suit pas ce qu'il a amené comme vérité, hein, alors il est mécréant, peu importe de quelle religion il fait partie, peu importe quelle religion il suit. Donc celui qui refuse de d'accepter la vérité de ce qui est venu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui refuse de le suivre, alors il est kafir. Et ça, peu importe le nombre des musulmans qui sont sur la terre, c'est pas une question de quantité. Ça c'était vrai à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même au tout début de sa da'wah, quand il a commencé et qu'il y avait juste 3 ou 4 musulmans. Et c'est vrai aujourd'hui, malgré qu'il y a des millions de personnes qui se disent musulmans, hein, des millions et des millions de personnes qui se disent musulmanes, mais malgré tout, même s'il y en avait que 2 sur la terre qui sont musulmans, ce serait toujours vrai. C'est-à-dire, on n'aurait pas le choix de suivre d'autres choses que qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et celui qui aurait une autre religion, il serait quand même kafir et dans les gardes. وأخيرا فإني أرى أن الدكتور السباعي هو الذي وضع بذور المساواة بين المسلمين والنصارى حين وضع الدستور السوري وكان هو الرجل المنظور إليه في اللجنة ثم تنامى هذا الموضوع عند الإخوانيين حتى سووا النصارى بالمسلمين في صحة الدين وفي دخول الجنة وهذا ما يظهر لي وهو ليس ببعيد عن الحقيقة فاسمع إليه يقول في صفحة 476 من مجلة حضارة الإسلام في معرض الرد على من زعم من المسيحيين أنه إذا نص الدستور على أن الدين على أن دين الدولة هو الإسلام فإن ذلك يؤدي إلى العزاء للنصارى ودينهم وانتقاص حقوقهم والنظر إليهم نظرا يختلف عن أتباع الدين الرسمي. فقال: وهذا خطأ بالغ أيضا، فليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية حتى يكون النص عليه العداء النص عليه عداء لها، بل هو معترف بها ومقدس لسيدنا المسيح عليه السلام. قلت: النصرانية الموجودة الآن على الساحة غير الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام، فالمسيح جاء بالتوحيد، قال تعالى عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لقومه بني إسرائيل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ودين النصرانية الموجودة مخالف لدين المسيح عليه السلام، بعيد عنه كل البعد، ومن اعترف بدين التثليث وتأليه المسيح وأمه وزعم أن الإسلام يحترم هذا الدين ويعترف به ويراه حقا وصوابا، فإنه ضال مضل كاذب مفتر على الله وعلى رسوله وعلى الدين الإسلامي. Donc le chef il dit ici, et il dit: je considère que c'est en fait le docteur As-Siba'i, c'est lui qui a mis, qui a semé les racines de cette égalité entre les musulmans et les chrétiens, et qui a établi ça dans la constitution syrienne. Et c'est à l'époque quand ils ont fait la discussion au sujet de la constitution syrienne. C'était vers lui que les gens se tournaient. Il était respecté dans ce domaine, dans le comité de la Constitution. Et l'affaire a grossi jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'important chez les Ikhwan, de rendre égal les Juifs et les chrétiens et les musulmans, de mettre à égalité les chrétiens et les musulmans dans la rectitude de la religion, dans le fait que la religion est bonne et correcte, et que ça fait rentrer au paradis. Donc c'est grave, Et ça, on le voit apparent apparent dans les paroles même du docteur Sibai, que c'est lui le responsable de cette idée-là chez les Ikhwan. Et c'est pas loin de la réalité si on dit ça. Parce que regardez quand il parle dans le livre Hadarat al-Islam, la civilisation de l'Islam, à la page 476, dans ce magazine Hadarat al-Islam, il dit, en essayant de réfuter l'idée des chrétiens, que si on écrit dans la constitution que la religion de l'État c'est l'Islam, que ça c'est quelque chose qui va porter préjudice aux musulmans, aux chrétiens, et que ça va faire de l'injustice envers les chrétiens, et de l'opposition pour leur religion, et que ça va diminuer leurs droits, et qu'ils vont être regardés d'une façon différente de ceux qui suivent la religion officielle de l'État. Donc, Sivan, il a répondu et il a dit: non, ça c'est une grave erreur, c'est une grande erreur de penser ça, parce que l'islam n'est pas opposé au christianisme, n'est pas contre le christianisme, parce que l'islam, il dit parce que l'islam n'est pas contre le christianisme, pour aller jusqu'à dire que si on l'écrit dans la constitution, ça va être une opposition au christianisme, en voulant dire puisque l'islam n'est pas contre le christianisme, et que l'islam ne s'oppose pas au christianisme, donc le fait de l'écrire dans la constitution, ça ne va pas justifier l'agression ou bien l'opposition au christianisme non plus. Il dit qu'au contraire, l'islam reconnaît le christianisme et reconnaît également le fait que le Messie, alayhi salam, Isa, est yani un prophète et qu'il est yani honoré dans l'islam. Donc le cheikh il dit, cheikh Ahmed al-Najmi, il commente sur ce passage-là et il dit, le christianisme qui existe aujourd'hui n'a rien à voir avec la religion du Messie, alayhi salam, c'est-à-dire Jésus. Parce que le prophète Jésus, alayhi salam, il est venu avec le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement que Isa, alayhi salam, il a dit à son peuple, au fils d'Israël, ceux, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Dans le verset, c'est le verset 72 dans Sourate Al-Ma'idah. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui interdit le paradis. Donc, quiconque adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qui il est, même si c'est un prophète, même si c'est Jésus, même si c'est Marie, hein, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc ça c'est un exemple. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une seule divinité, hein, une divinité unique. Et s'ils ne cessent pas de dire, de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux, hein. Donc ça c'est des exemples de preuves que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré ces gens-là comme étant des kuffars et que leur religion qu'ils suivent, qu'ils suivaient à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils suivent encore aujourd'hui, c'est une religion qui est fausse, qui n'a rien à voir avec la religion envoyée par le prophète, envoyée par les prophètes, que Allah a envoyé aux prophètes, que les prophètes ont amené. Donc le cheikh il dit que la religion chrétienne qui existe aujourd'hui est en opposition avec la religion de Jésus. Elle est totalement éloignée de ce que Jésus a enseigné. Et ça, c'est du fait que celui qui reconnaît la Trinité et qui croit en la Trinité et qui fait de Jésus et de sa mère deux divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui qui croit que l'islam respecte cette religion-là et reconnaît cette religion-là et voit que et qui pense que l'islam accepte ça et considère que ça c'est la vérité, que c'est correct, alors il s'est égaré d'un égarement total et il est un menteur et quelqu'un qui invente des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre son messager et contre la religion musulmane. Certes c'est un grand menteur. Et il y a des gens comme ça, des fois ils sont invités dans des soupers, dans des banquets ou dans des réceptions ou dans des colloques ou des séminaires avec les chrétiens et les juifs. Et pour faire poli, pour faire gentil, ils vont aller parler et ils vont dire yani, non, les juifs, les musulmans, les chrétiens, on est tous des croyants, on est tous sur le droit chemin, hein. Ils vont dire des paroles comme ça pour faire plaisir aux kuffars. Et ça, on n'a pas le droit de dire ça, yani. C'est comme ici au Canada, dernièrement, eux, qu'est-ce qu'ils font, les certains laïcs, des égarés parmi certains Ikhwan et d'autres, ils organisent qu'est-ce qu'on appelle le couscous de l'amitié. Ils vont dans les églises, dans d'autres endroits, et puis ils s'assoient avec les chrétiens et les autres koufars et ils disent, on fait un couscous de l'amitié, l'amitié entre les croyants et les koufars. Et il y a aussi ceux qui font comme ils ont fait dernièrement l'iftar de l'amitié entre les juifs et les chrétiens. Donc pour montrer qu'ils ont une wala envers les juifs. Et c'est pour montrer que, bien entendu, il faut faire une distinction entre le fait de dire, par exemple, comme on dit, c'est permis dans l'islam de faire des affaires avec les juifs et les chrétiens, de faire du commerce avec eux, d'avoir des ententes politiques, économiques avec eux, il n'y a pas de problème là-dessus, tant que ça touche pas à la religion, tant que ça ne rend pas halal ce qui est haram, que ça ne rend pas haram ce qui est halal, mais du moment où ça commence à toucher à la religion, et qu'on commence à dire que leur religion est correcte, et que leur religion est bonne, et qu'ils sont des croyants, alors là, ça dépasse les limites, et là, ça devient une forme de wala qui est très grave. Hein, ça rentre même parfois dans le coffre, parce que tu acceptes leur croyance et tu dis qu'ils sont croyants et que tu dis qu'ils sont sur le droit chemin. Et ça, c'est dangereux parce que, il y a, comme les ulama l'ont expliqué dans plusieurs de leurs explications, celui qui refuse de déclarer mécréant un mouchrik ou un kafir parmi les juifs et les chrétiens, alors là, il est lui-même kafir dans ce cas-là, parce qu'il contredit la parole d'Allah et du messager. Donc c'est très important de faire une distinction, et c'est dommage que les ikhwan, hein, ce soit ça leur voix est contradictoire justement, du fait qu'ils parlent jour et nuit contre les zionistes, et ils disent nous on a de problème avec les juifs, et les chrétiens c'est uniquement une question de territoire, et puis quand ils parlent de la religion ils disent non, nous on n'a rien contre la croyance des juifs, on n'a rien contre la foi des juifs, hein. Comme Tariq Ramadan qui dit, on n'a rien contre la foi des juifs, c'est seulement des problèmes politiques ou des trucs de zionistes qui nous dérangent. Hein? Donc ça c'est leur contradiction. Hein? Ce qui est kouf, hein, ils l'acceptent, et ce qui est haram, ou bien ce qui est permis dans certains cas, ou bien au maximum, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un péché, ils le rejettent. Ils n'acceptent que ce qui est le kufr, malheureusement. Alhamdoulilah, ça veut dire d'aimer les kufars pour leur mécréance et de s'allier avec eux dans la religion. Alhamdoulilah. Donc, le cheikh il dit, Amma al-Masih, Isa ibn Maryam, al-Siddiqa, al-Batoul. Fa'inna ta'zimahu, wa ijlalahu, wa tawqirahu, wajib, annahu nabiyun mursal, min uli al-azim. ولا يرتبط الإيمان به بالإيمان بالنصرانية الموجودة المبنية على الوثنية. قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير دونك Le Cheikh dit wa min huna na'lamu anna shari'at at-tathlith wa shari'at an-nubuwwah wa at-ta'lith li 'Isa 'alayhi as-salam wa ummihi anna hadhihi al-'aqa'id 'aqa'id kufriyyah wa wathaniyyah la tamut bi-din 'Isa bi-silah 'alayhi as-salatu was-salam faman za'ama anna al-iman biha murtabitun bil-iman bi-'Isa aw anna al-iman bi-'Isa 'alayhi as-salam مرتبط بتلك العقائد الضالة فهو ضال مضل كافر بالله وشرائعه ورسله من حقه أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Regardez ce qu'il dit le Cheikh رحمه الله. Il dit en ce qui concerne Isa عليه السلام le fils de Marie, hein? Eh bien, le fait de l'aimer, de l'exalter, de l'honorer, ça c'est obligatoire pour les musulmans, bien entendu. Parce que c'est un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui fait partie de Ulil Azm, parmi les messagers qui ont eu la, qui étaient parmi les plus fermes et les plus forts dans leur message, dans leur foi, et les plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit toutefois, il n'y a aucun lien entre le fait de croire en lui comme étant un prophète, un messager d'Allah, et le fait de croire en le christianisme qui existe aujourd'hui, qui est basé sur l'idolâtrie et le paganisme. Ça n'a rien à voir avec le fait de croire en ça. Il y en a parce que Jésus n'a rien à voir avec les chrétiens qui sont venus après et qui croient en la Trinité et toutes ces autres choses. Et la preuve de ça également, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, justement le verset 116 à 120 dans sourate Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelez-leur le moment où Allah dira au jugement dernier, ô Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Et il dit ensuite, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Allah et à Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme. Et il est omnipotent. Donc ça c'est les derniers versets de Sourate Al-Ma'idah. Et ce sont des versets clairs qui montrent justement que la Trinité et la voie qui a été amenée, que la Trinité, que c'est quelque chose qui est quelque chose de faux, et que Jésus lui-même, il s'en désavoue et qu'il n'a rien à voir avec cette croyance et avec cette religion que les chrétiens pratiquent aujourd'hui et croient aujourd'hui. La grande majorité de toutes les sectes chrétiens dans le monde actuellement croient en la divinité de Jésus et ils croient qu'il est un des trois qui forment la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, eux ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, hein? Et donc ils donnent à Dieu un fils, et non seulement ils donnent à Dieu un fils, ils disent que ce fils-là c'est Dieu lui-même, parce qu'ils disent que les trois forment Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit bien entendu qui est Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, mais eux bien entendu ils ne savent pas que c'est l'ange Gabriel, ils pensent que c'est autre chose, mais bien entendu nous on sait que dans le Coran Allah il nous dit que Ar-Ruh Al-Qudus c'est Jibril alayhi salam. Donc eux ils prennent Jésus et ils font de lui un Dieu. Et il n'y a pas de doute que ces croyances sont des croyances de kufr et de shirk et d'idolâtrie et de mécréance qui n'ont aucun rapport ou aucun lien avec Isa, alayhi salam, avec Jésus. Et celui qui croit que de croire en ces choses-là, et de croire en Isa a un lien avec ces croyances-là, c'est-à-dire que de croire en Jésus, c'est relié à la croyance, en ses croyances fausses, alors il s'est égaré d'un égarement total et il a mécru en Allah et en sa législation et en ses messagers. Et le cheikh il dit, et il mérite qu'on le force à se repentir, qu'on lui demande de se repentir Et s'il refuse de se repentir, il sera exécuté dans un pays musulman selon la charia de l'islam. Celui qui refuse de dire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Ça, c'est la punition de la charia pour les gens qui refusent de déclarer les juifs et les chrétiens comme étant des kuffars dans un pays musulman, dans un tribunal islamique devant les juges musulmans. Donc ça, c'est très sérieux. On voit que c'est un sujet très très sérieux. Il faut pas prendre ça à la légère. Et c'est pas quelque chose de, c'est pas des rigolades comme on dit. Et c'est triste de voir que les Ikhwan, ils prennent ça à la légère et ils prennent ça comme si c'était une blague. Et ils font des alliances et des liens avec les koufars et les juifs et les chrétiens comme si c'était rien du tout. Donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Regardez ce qu'il dit ensuite. Le cheikh maintenant il clarifie encore. Il dit فصل واخيرا فاني ساختم بكتابتي الفقرات التي نص عليها الدكتور السباعي في الدستور وقال في نفس الصفحه 476 من حضاره الاسلام وإني سأضع لا فقل السباعي وإني سأضع أمام القراء وأمام أبناء الشعب جميعا نص المادة المقترحة في هذا الشأن ليروا بعد ذلك أي خوف منها وأي غبن يلحق بالمسيحية فيها. أولا الإسلام دين الدولة. ثانيا الأديان السماوية محترمة ومقدسة. ثالثا المواطنون متساوون في الحقوق، لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة. Donc regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant. Le Cheikh Ahmed Al-Najmi رحمه الله il a vraiment bien clarifié les choses. Il a dit, regardez la parole. Il dit, je vais terminer avec en citant certaines citations qui sont mentionnées dans les paroles de Dr. Sibari dans la même page 476 du magazine Hadarat al-Islam, la civilisation de l'islam. Regardez ce qu'il dit, Sibari. Il dit, je vais mettre devant les lecteurs et les fils du peuple en entier. Les articles qu'on propose de mettre dans la Constitution pour montrer qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur et de craindre quoi que ce soit pour les chrétiens et de craindre quoi que ce soit de perte pour les chrétiens ou le christianisme. Il dit, regardez, la première article, l'islam est la religion de l'État. Deuxième article, les religions célestes sont respectées et honorées. Troisième article, les citoyens sont tous égaux dans leurs droits et on n'empêche personne parmi les citoyens d'arriver au plus haut statut, au plus haut poste des postes de l'État à cause de la religion ou de la race ou de la langue. Donc, il permet même à n'importe qui de prendre le poste de dirigeant, c'est-à-dire quelqu'un peut devenir dirigeant même s'il est juif ou chrétien ou athée ou autre, sans prendre en considération la religion ou la race ou la langue. La race et la langue, ça c'est probablement pas un point important, bien entendu, parce que dans l'islam il n'y a pas de discrimination, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié que Aïmmatou min Quraysh, les imams doivent être de Quraysh. Mais sinon, il n'y a pas d'autres spécificités à part la piété et la religion. Et dans le cas où, comme on l'a dit dans les cours passés, si quelqu'un est, on lui a donné la bay'a et qu'il n'est pas n'a pas la piété ou qui n'est pas parmi les meilleurs musulmans, c'est pas grave, c'est-à-dire que la bay'a, elle est quand même valable pour lui. Mais c'est juste pour faire voir comment il dit que les citoyens sont tous égaux dans leurs droits, alors qu'on a expliqué ça au dernier cours et on a montré que les gens qui suivent la religion d'égarement et de fausseté, ils n'ont pas les mêmes droits que ceux qui suivent la religion de vérité. Ensuite, il dit, « وقال الدكتور السباعي ردا على العلمانيين الذين يعتقدون بأنه إذا نص الدستور على أن دين الدولة على أن دين الدولة الإسلام بأن ذلك سيجعل رجال الدين يسيرون أمور الدولة فقال ونحن نجيبهم بأن النص على دين الإسلام الدولة أو دين الدولة الإسلام ليس معناه أن يسير رجال الدين أمور الدولة إلى أن قال وأعود فأقول لهؤلاء إن البعبع هذا سكنتي إن البعبع الذي يخوفون به بعض المثقفين أو يخافون يخافون نعم يخوفون به بعض المثقفين من أن النص على الإسلام دينا للدولة يجعل لرجل الدين الكلمة الأولى في البلاد هو بعبع لا يخيف به إلا من خيام الوهم الباطل على عقولهم فليس في الإسلام رجال دين تكون لهم الكلمة العليا ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد ممثلي الأمة ونلغي القوانين كلا كونوا مطمئنين فسيظل كل شيء على حاله وسيبقى مجلسنا ونوابنا وقوانيننا وأنظمتنا ولكن مع سمو الروح ونظافة اليد واستقامة الأخلاق وعيش الإنسان الكريم من مجلة حضارة الإسلام صفحة 479 بعنوان السباعي ومعركة الدستور. On voit là-dedans, on sent yani dans ces paroles-là des influences des soufismes, yani soufis. Hein. Parce que ça, c'est des idées des soufis, hein. Des gens d'égarement, hein. Des gens qui croient que la croyance et la mécréance, c'est égal. Puisqu'ils disent que tout est Allah et qu'Allah est tout. Donc, yani, ils croient même que même, peut-être même quand ils iraient jusqu'à dire même que le diable est Allah et Allah est le diable. Hein? A'udhu billah. Puisque tout est Allah et Allah est tout. Hein? Wahdatul wujud, c'est ça. Il n'y a pas de différence entre Allah et sa création. A'udhu billah. Donc, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les musulmans. Il n'y a pas de différence en quoi que ce soit pour ces gens-là. Yani. A'udhu billah. Donc, le cheikh, il dit, et le docteur Sibari, il a voulu répondre aux laïcs, hein, les laïcs qui croient que, hein, parce que les laïcs, ils disent tout le temps, les laïcs dans les pays musulmans, ils disent, non, si vous écrivez l'islam et la religion de l'État, ça veut dire que les hommes de religion vont avoir une autorité dans l'État et ils vont pouvoir faire passer leurs lois et leurs paroles auront plus de poids dans l'État. Donc, regardez comment Sibari répond à ça. Hein? Subhanallah. Il dit, nous, on leur répond que le fait d'écrire comme article premier dans la charte ou dans la constitution que la religion de l'État c'est l'islam, ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura des hommes de religion qui vont décider les affaires d'État. Hein? Il dit, il a dit, après le cheikh il dit, plus loin il dit, et je reviens à ça, et je dis à ceux-là, vous avez peur d'un bourbourg. Le bourbourg c'est quoi? C'est, vous savez, les monstres qu'on invente pour faire peur aux enfants des fois, avant de dormir, on leur dit, si tu dors pas, le bourbourg il vient te manger, pensez. C'est un peu ça. Ici au Québec, les gens ils disent le bonhomme 7 heures ou le croque-mitaine ou des trucs comme ça. Donc ils inventent des êtres imaginaires pour faire peur aux enfants. Donc lui, le docteur Assibari, il dit ça. Il dit ce bourbon que vous inventez pour faire peur aux intellectuels et aux gens cultivés, que si on écrit que l'islam c'est la religion de l'État, ça va faire que les hommes de religion vont avoir la plus haute parole dans le pays et que c'est eux qui vont décider des choses. Il dit ça, c'est un boire, c'est comme un bonhomme que vous inventez pour faire peur aux gens, et en réalité, ça fait partie des illusions que vous faites, et c'est totalement faux. Il dit, il n'y a pas dans l'islam des hommes de religion qui ont la main ou la parole au-dessus des autres. Il dit, et nous, quand on écrit ça dans la Constitution, regardez bien ça, c'est grave ce qu'il dit ici. Il dit, nous, on veut pas, en écrivant dans la Constitution que l'islam, c'est la religion de l'État, on ne veut pas annuler le Parlement, et on ne veut pas repousser ou rejeter les représentants de la nation, et on ne veut pas éliminer les lois. Non, pas du tout, hein. Kalla. On ne veut pas faire ça. On ne veut pas éliminer le Parlement, ni les députés, ni les représentants, ni les lois que les hommes ont fabriquées. Soyez, il dit, kunu mutma'inin, hein. Soyez rassurés. Tout va rester comme c'est actuellement. C'est ça ce qu'il dit. Kullu shay'in, fayadhillu kulla shay'in ala hali. Tout va rester tel quel. Et on va garder, ça y a notre majlis, notre comité, notre assemblée va rester, nos députés et nos lois et notre système va rester tel qu'il est, mais avec, yani, comment je pourrais dire, ma'asumu et ruh, avec l'âme, avec quelque chose qui va élever l'âme, hein. Et qui avec la propreté de la main et avec la droiture dans le comportement et de vivre comme des hommes nobles, hein, et honorés, ainsi de suite. Donc ça c'est dans son livre à la page dans le livre Hadarat al-Islam, dans la magazine Hadarat al-Islam à la page 479. Et le titre c'est As-Siba'i, le titre de l'article c'est As-Siba'i wa Ma'arakat al-Dustur. As-Siba'i et la bataille de la Constitution. Donc on voit ici des paroles graves, et le cheikh il va commenter justement au sujet de ces paroles-là. Mais c'est des paroles graves que ces gens-là disent. Et même à Montréal, je me souviens, il y avait dans un article de journal de la presse, ils ont fait une entrevue à un moment donné, parlaient de l'islam et de la religion musulmane et ainsi de suite. Et ils ont interrogé un des ikhwan ici à Montréal, qui s'appelle subhanallah, j'oublie son nom, Boudjaran, en tout cas je pense que c'est Rachid Boudjaran, quelque chose comme ça. Et ils lui ont posé la question, qu'est-ce que c'est un état islamique? Et lui il a répondu, un état islamique c'est un état démocratique dans lequel la religion de l'État, c'est l'islam. C'est ça ce qu'il a expliqué. Comme les Ikhwan, ils disent, la plupart des Ikhwan, ils disent ça. L'État islamique, pour eux, c'est un pays musulman qui applique la démocratie, soi-disant, et qui, en même temps, écrit que dans la Constitution que l'islam, c'est la religion de l'État. Allah Musta'an. Et la plupart des Ikhwan, c'est ça leur concept d'un État islamique. Ils veulent c'est pour ça qu'ils disent que maintenant ils sont en train de dire que le Canada c'est un pays musulman. Ils sont en train de dire que les pays européens maintenant c'est des pays musulmans. Et qu'ils disent que les pays musulmans sont des pays de kufr. Hein, c'est le monde à l'envers, hein, avec ces gens-là. Et tu vois, en fait, tu réalises que il y a plein de jeunes ici en Occident, maintenant ils sont en train de tomber dans ces idées de takfir et tout. A'ouzou billah, c'est grave. Donc le cheikh il dit Arraddu ala al-Siba'i. Maintenant il réfute al-Siba'i. On va mentionner la réfutation point par point. Qu'est-ce que le cheikh il dit au sujet des paroles de cet homme al-Siba'i. Donc qu'est-ce qu'il dit? الرد على السباعي أولا إن كلام السباعي هذا خطير خطير جدا إن لم يكن أخرجه من الإسلام فإنه قد أوبقه وأوقعه في إثم عظيم ذلك لأن تسميته لرجال الدين بعبعا يدل على استخفافه لرجال الدين وسخريته منهم فالله حسيبه وإن السخرية من رجال الدين والاستخفاف بهم يعد سخرية من الدين واستخفافا به وإن السخرية من الدين والاستخفاف به قد يؤدي بأصحابه إلى الكفر والردة والعياذ بالله. Premièrement, le cheikh il dit pour réfuter At-Tibaï que c'est une parole grave, grave, très grave, qu'est-ce qu'il a dit, qui peut même aller jusqu'à le faire sortir de l'islam. Parce que ça l'amène à tomber dans un grand, grand, grand péché. Hein? Et il dit, parce qu'il a appelé les hommes de religion, c'est-à-dire les savants de l'islam, il les appelle des bourbons. Et ça, c'est comme une moquerie, un rabaissement des hommes de religion. Et une moquerie à propos des gens de religion. C'est comme s'il les rabaisse, il se moque d'eux. Et en passant, cette parole-là, la parole de Sibari, c'est exactement les mêmes paroles de Sayyid Qutb. Hein? Dans ses livres, quand il parle des hommes de religion, il les appelle Rijal al-Din, les hommes de religion. Hein? Il parle de cette façon-là en parlant des hommes de religion. En parlant des savants, il parle d'eux comme étant des hommes de religion, puis il se moque d'eux, il les rabaisse, il les ridiculise. Donc, c'est des gens qui sont soi-disant des intellectuels, hein, ou des journalistes, ou des gens éduqués qui ont des diplômes ou des doctorats dans les choses de la dunya, et qui se pensent au-dessus des savants de l'islam, et qui rabaissent les savants de la religion, les hommes de religion comme ils les appellent. Ils les appellent des bourbons ici. Et le cheikh il dit que ça prouve qu'il n'a aucun respect pour les savants de l'islam et les hommes de religion. Et il se moque d'eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va le juger pour ça, bien entendu. Et le fait de se moquer des hommes de religion et de les rabaisser, c'est équivalent à se moquer de la religion elle-même et de rabaisser la religion elle-même. Et le fait de se moquer de la religion et de rabaisser la religion, bien entendu, ça amène quelqu'un au kufr et à l'apostasie. Que Allah nous en protège. Et vous connaissez l'explication du verset dans Surat al-Tawbah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens qui s'étaient moqués des sahaba et des savants parmi les sahaba qui avaient dit « Je n'ai jamais connu connu de plus peureux, de plus gourmand et de plus menteur que les savants qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mémorisent le Coran ou qui lisent le Coran. Donc, quand cette parole-là est arrivée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah a révélé le verset « قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ » Allah subhanahu wa ta'ala, il les a déclarés kuffars pour s'être moqué des sahaba et des savants parmi les sahaba. Hein? Donc, Allah a comparé le fait de se moquer aux sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux savants de l'islam. Il a comparé ça à se moquer d'Allah, de ses signes et de son messager. Donc, ça c'est grave. Deuxièmement, أن قوله ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد ممثلي الأمة ونمحو القوانين كلا كونوا مطمئنين. إذن قلت وإذا كان القصد من دين الدولة الإسلام هو أن يوضع في رأس القائمة إسكاتا للمسلمين الذين يطالبون بحكم الإسلام ثم توضع تحته القوانين شرقية كانت أو غربية فهذا نفاق وحكم بغير ما أنزل الله. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, la parole de ceux qui disent on ne veut pas avec cet article, hein, quand on dit que l'islam c'est la religion de l'État, quand on met ça, on ne veut pas éliminer ou annuler le parlement et on ne veut pas repousser ou rejeter les représentants de la nation ni éliminer les lois, pas du tout, hein, qu'Allah, soyez rassurés de ça, hein, a'udhu billah. Donc il dit le Cheikh Ahmed al-Najmi, donc si le but c'est quoi, d'écrire dans la constitution en premier, d'écrire la religion de l'état c'est l'islam, le but c'est quoi, juste d'écrire ça en haut, juste pour faire taire les musulmans qui demandent l'application de, du verdict de l'islam, hein, et ensuite par la suite on met les lois faites par l'homme, que ce soit des lois orientales ou occidentales, si c'est juste pour écrire le mot islam en haut, alors ça c'est une forme d'hypocrisie. Et c'est de juger par autre que ce que Allah a révélé. Hein, donc, c'est quoi le but? C'est comme si quelqu'un, par exemple, il écrit sur sa tête islam, sur son front, il écrit sur son front islam. Il marche dans la rue, et puis il s'en va adorer les idoles, et il va juger selon le tarot et tout. Et puis après, il marque sur sa tête islam, ou bien musulman. Et bien, c'est ça, c'est la même chose qu'ils font. C'est la même chose qu'ils veulent faire. En disant, l'islam, c'est l'état, la religion de l'état. Il marque en haut islam. Puis en dessous, il marque toutes des paroles de contradiction avec l'islam. Et il juge par des lois faites par l'homme qui sont contraires à l'islam. Hein? C'est comme si t'écris, tu prends la Bible et t'écris le Coran dessus. Est-ce que ça va devenir un Coran parce que t'as écrit Coran? Bien sûr que non. Donc, le cheikh, il réfute cette parole-là. Ensuite, troisième point. ثالثا أن من يحكم بالقانون بدلا عن شرع عن الشريعة الإسلامية معتقدا صلاحيته للمجتمع وملامأته للزمن أكثر من الشريعة الإسلامية من إلذي إن من يحكم بالقانون بدلا عن الشريعة الإسلامية معتقدا صلاحيته للمجتمع وملامأته للزمن أكثر من الشريعة الإسلامية فقد كفر بالشريعة الإسلامية المنزلة أو المنزلة من رب الأرض والسماء ولا ينفعه أن يكتب في رأس القائمة دين الإسلام دين الدولة أو دين الدولة الإسلام. Troisièmement, celui qui juge par des lois autre que la loi d'Allah, hein, qui juge par des lois faites par l'homme en dehors de la charia. Au lieu d'appliquer la charia, il juge par des lois faites par l'homme. Et il croit que ces lois-là sont plus bonnes pour la société et plus en accord avec l'époque actuelle que la charia islamique. Celui qui croit ça, qui juge par ces lois-là en croyant ça, alors il a rejeté la foi en la charia de l'islam qui est révélée par le Seigneur des cieux et de la terre. Et donc le fait d'écrire à la tête de cette constitution que la religion de l'état c'est l'islam, ça ne va lui profiter en rien, ça va lui profiter en rien du tout, puisqu'il a cru que la loi des hommes est meilleure que la charia d'Allah. Et donc ça c'est une forme de kufr, bien entendu. Ensuite, le cheikh dit, rabi'an, أما من فعل ذلك رغبة أو رهبة لضغوط خارجية مع اعتقاده في قرارة قلبه أن الشريعة الإسلامية هي الحق وما سواها باطل فهو فاسق ناقص الإيمان ولا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة إلا أن كلام السباعي يدل أنه فعل ذلك مختارا وذلك يبعث الشك والريبة. Allah al-Musta'an. Le Cheikh le dit comme quatrième point, un point important, qui répond en même temps aux takfiriyin et aux khawarij de notre époque, qui ne distinguent pas entre les choses que Allah a distinguées. Le Cheikh il clarifie que celui qui fait ça, c'est-à-dire qui prend les lois, qui juge par les lois faites par l'homme, hein, mais il fait ça par peur ou par crainte, à cause des pressions extérieures, tout en croyant au fond de lui-même, dans son cœur, que la charia de l'islam c'est la vérité et que tout ce qui est en dehors de cette charia c'est faux, alors lui c'est un fasiq, c'est un pécheur et sa foi est diminuée, sa foi est faible. Mais on ne dit pas qu'il est kafir en dehors de l'islam. Il faut bien faire attention à ce point-là. Si quelqu'un il juge par une autre loi que la loi de l'islam dans son pays, parce qu'il a peur des pressions extérieures, parce qu'il suit sa passion, mais il sait que l'islam c'est la vérité, il croit que l'islam c'est la vérité, et que tout ce qui est en dehors de l'islam c'est faux, on n'a pas le droit de dire qu'il est en dehors de l'islam, on n'a pas le droit de faire le takfir. Hein, ça c'est quelque chose que beaucoup de takfiriens, ils ne comprennent pas. Mais, le cheikh dit, mais, la parole de Siba'i, dans qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure, nous montre que, ou nous indique que, il le dit volontairement, et il le fait volontairement. Il appelle à des lois faites par l'homme volontairement. Et donc ça, ça nous amène à douter et à avoir un grand doute, hein, à son sujet. Donc, Allah al-Musta'an. Cinquièmement, il dit, خامساً أن قوله سيبقى لنا مجلسنا ونوابنا وقوانيننا وأنظمتنا ولكن مع سمو الروح ونظافة اليد واستقامة الأخلاق وأقول هيهات يأبى الله أن يكون ذلك إلا في ظل الشريعة الإسلامية الحقة المنزلة من عنده تعالى على رسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بدون الشريعة الإسلامية فلا سمو للروح ولا نظافة اليد ولا استقامة للأخلاق والتجربة خير شاهد ثم قال وهذا مع العلم بأن مسألة التشريع غير مسألة الدين الدولة غير مسألة دين الدولة فليس لوضع دين الدولة من غرض إلا بصبغ الدولة بصبغة روحية خلقية تجعل النظم والقوانين منفذة من منفذة من الشعب بوازع نفسي خلقي ومن أغراض هذه المادة تقوية الصلة بيننا وبين إخواننا العرب والتعاون بيننا وبين الشرق الإسلامي أقول هذا هو النفاق بعينه وهو استخدام الدين لأغراض دنيوية إن المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه أغراضهم وهو استخدام الدين لأغراض دنيوية. الشيخ ما شاء الله يعني رحمه الله يعني je demande à Allah سبحانه وتعالى de donner au Cheikh Ahmed al-Najmi le paradis dans les plus hauts degrés. Le Cheikh, voici ce qu'il dit. Il dit à propos des paroles de Mustafa al-Sibai, il dit et notre assemblée et nos députés et nos lois et notre système vont demeurer, mais avec qu'est-ce qui élève l'âme et qui nettoie la main et qu'est-ce qui garde la droiture de notre comportement, de notre akhlaq. Cheikh Ahmed al-Najmi, il répond, il dit hayhat, ça c'est quelque chose de loin, imagine, qu'est-ce que vous imaginez, c'est quelque chose de loin de la réalité. Allah n'accepte pas que l'élévation de l'âme et la purification de la main et de la droiture du comportement que ça se produise par autre chose que par la charia de l'islam qui est révélée de sa part sur son messager qui est la meilleure de toutes les créatures, Muhammad, fils de Abdullah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, salawatullah wa salamu alayhi. Mais sans la charia de l'islam, il n'y aura jamais d'élévation de l'âme ni de la pureté ou la propreté de la main et de la droiture du comportement et l'expérience et la réalité est le meilleur témoin de ça. Ensuite il dit, regardez ce qu'il dit ensuite à Sibari. À Sibari il dit par la suite, et ça c'est pour que les gens sachent, et en sachant que la question de législation est autre chose que la question de la religion de l'État. Donc pour lui, il distingue entre la législation, le fait de faire des lois et de légiférer, et la question de la religion. Il dit ça, c'est deux choses. Donc il dit que le fait d'établir ou de dire que la religion de l'État, c'est l'islam, le but de ça, c'est uniquement pour donner à l'État une couleur ou une peinture spirituelle et une couleur qui a rapport avec le comportement, le bon comportement. Et pour que les systèmes et les lois qui viennent du peuple et qui sont exécutés par le peuple vont avoir une certaine tendance qui vont pencher vers le bon comportement, hein, khuluqi. Et donc, parmi les buts, il dit parmi les buts et les objectifs de cet article dans la Constitution, que l'islam c'est la religion de l'État, le but de ça c'est de raffermir et de renforcer le lien qui existe entre nous et nos frères arabes, et d'aider et de renforcer la coopération et l'entraide entre nous et entre l'Orient musulman. Et le cheikh, il fait un commentaire à ce sujet-là et il dit, وأقول, le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, وأقول, et je dis, ça c'est le nifaq lui-même. Si tu veux savoir c'est quoi le nifaq, voilà, c'est qu'est-ce que c'est le nifaq, c'est ça exactement. D'utiliser la religion dans des intérêts matériels de la dunya. On utilise, c'est ça les islamistes, ce qu'ils font. Ils n'utilisent pas la religion parce qu'ils veulent adorer Allah, pour se rapprocher d'Allah et d'appliquer la charia parce que c'est une adoration pour Allah. Ils veulent appliquer l'islam et pratiquer l'islam et utiliser l'islam pour des intérêts de la dunya, pour des biens de la dunya. Comme les hypocrites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui acceptaient l'islam pour des intérêts matériels de la dunya. Et donc ça c'est exactement cet intérêt-là. D'utiliser la religion pour faire des liens avec les gens sur autre que la foi pour des intérêts de la dunya. Et regardez les islamistes à Montréal et en Europe, la même chose. Les Ikhwan, c'est ce qu'ils font. Ils font des alliances avec les chrétiens, avec les laïcs, avec les communistes, avec les socialistes. Ils disent avec tous ceux qui veulent s'allier avec nous, on va s'allier avec eux. Mais on se pose la question dans ce cas-là. Pourquoi vous voulez absolument mettre le mot islam là-dedans? Faites vos alliances, faites vos organisations et mettez pas l'islam là-dedans. Faites-le en votre propre nom, en votre propre égarement. Mais de vouloir avec obstination rentrer absolument à la question de le mot islam dans qu'est-ce que vous faites pour le rendre islamique, ça c'est grave. C'est ça le nifaq, comme le cheikh il dit, c'est ça le nifaq. Hein? C'est ça l'hypocrisie. Hein? Donc, comme j'expliquais à certains frères, des fois je disais, mais si c'est ça que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de l'islam pour le faire. Au contraire, même l'islam vient vous interdire ces choses-là. Alors pourquoi vous voulez utiliser l'islam pour les faire? Hein? De faire la musique islamique, de faire les discothèques islamiques, de faire un tabarruj islamique. Des femmes qui se portent des jeans serrés avec des chandails moulins et qui marchent dans la rue à moitié nues avec un foulard sur la tête et qui appellent ça le hijab. Mais si vous voulez faire des parades de mode, pourquoi vous voulez mettre un foulard sur votre tête avec ça? Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Après, qu'est-ce qu'il faut encore? La banque islamique, la démocratie islamique, le socialisme islamique. Hein? Et plein d'autres exemples comme ça encore. Et là, ils font la constitution islamique. C'est quoi la constitution islamique? C'est écrit en haut. La religion de l'État, c'est l'islam. Mais en dessous, les autres articles, c'est toutes des choses de kufr et des choses contraires à la charia. C'est ça pour eux, un État islamique. C'est juste le nom qui est musulman. Le reste, c'est pas grave. Tu peux mettre dedans qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux. A'udhu billah. Si c'était ça, l'islam. A'udhu billah. Utiliser la religion pour un intérêt de la dunya. Utiliser la religion pour rassembler les masses, pour dire aux gens, on est musulmans, réunissez-vous, on va tous travailler, on va faire des choses au nom de l'islam, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Bon, qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit, لقد أوضح الدكتور السباعي أن المقصد من جعل دين الدولة الإسلام ليس العمل بتعاليم الدين وتحكيم شريعته وجعله نبراسا يحتذى وقدوة تقتدى ونموذج هداية تتبع فقد طمأن الذين يريدون محو كل أثر للدين وإلغاء كل سلطة له ولأهله بقوله ونحن لا نريد بهذا النص أن نلغي البرلمان ونطرد أن نلغي البرلمان ونطرد ممثلي الأمة ونمحو القوانين كلا كونوا مطمئنين سيظل كل شيء على حاله بل أراد زعيم الإخوان المسلمين في سوريا ومرشدهم أن يبين للعلمانيين والبعثيين بأنه أعظم منهم دهن وخبثا دهاء وخبثا ومكرا بالدين وأهل الدين ومن يريدون الدين فسيقنع من يريدون الدين بهذا العنوان دين الإسلام دين الدولة دين الدولة الإسلام وسينفذ ما يريد وما يريد وما يريدون من القوانين والتشريعات المدنية من وراء ذلك بهذا وبهذا تعلم أنه قد أثخن في الدين أكثر من أعدائه المتظاهرين بالعداوة له ويتبين ذلك من قوله وخلاصة القول أننا لا نريد انقلابا في قوانيننا الحالية وإنما نريد التقريب بينها في التشريعات المدنية وبين نظريات الإسلام الموافقة لروح هذا العصر ولألصق النظريات الحقوقية السائدة ولأصدق النظريات الحقوقية السائدة فيه فإذا اتفق التشريع الإسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجا في الأخذ به تراثا قوميا عربيا تعتزون به وتتفخرون أو تتفاخرون به donc ici qu'il dit le cheikh il dit et le docteur Assibari il est venu donc dans le but de montrer quand il dit qu'il veut faire de la religion de l'état l'islam c'est pas pour appliquer les règles de l'islam c'est pas pour juger selon la charia mais juste et non c'est pas non plus quelque chose qu'il veut mettre pour qu'on se base là-dessus ou qu'on suit sa guidance, non. Il a juste voulu mettre ça comme une insigne, comme un emblème au-dessus de au-dessus des articles de la charia. Et c'est comme si en même temps il est venu pour rassurer ceux qui veulent enlever la religion de la Constitution. Il est venu pour les rassurer. Et pour leur dire que non, tout va rester comme c'est déjà. N'ayez pas peur. On va pas éliminer, on va pas vous enlever votre autorité, votre pouvoir, non. N'ayez crainte. Hein. On veut pas par cet article-là enlever le Parlement, ni les députés, ni les lois. Soyez rassurés. Tout va rester comme c'est actuellement. Alors pourquoi changer la constitution dans ce cas-là, si tout va rester tel quel? C'est complètement inutile. Et donc après elle dit, et il veut en même temps, hein, le chef des Ikhwan en Syrie, et leur guide spirituel, hein, c'était Mustafa Assibari, qui était le représentant des Ikhwan en Syrie, il voulait dire aux laïcs et aux Ba'ath, aux gens du parti Ba'ath, qu'il était plus corrompu qu'eux, et qu'il avait plus de ruses envers la religion et les gens qui pratiquent la religion musulmane que eux. Hein? Donc c'est grave. C'est comme si il essaie de dire aux laïcs et aux gens du parti Ba'ath, on va convaincre les musulmans de ce titre. Religion de l'État, c'est l'islam. Puis, après, on pourra faire ce qu'on veut. De loi, de législation civile, et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on écrit en haut religion de l'État, c'est l'islam. Et donc, en faisant ça, c'est comme si il a rentré dans, il a amené dans l'islam un mal, et il a attaqué l'islam d'une façon plus grave que ceux qui sont des ennemis déclarés et ouverts de cette religion-là. Hein? C'est comme la même chose que les autres ikhwan dans le monde. Tu les vois, ils parlent au nom de l'islam, mais ils sont en train de faire du tort à l'islam et aux musulmans plus que ceux qui sont ouvertement des ennemis de l'islam. Parce que ceux qui sont ouvertement ennemis de l'islam, ils vont pas déformer la religion et changer la réalité. Ils vont simplement dire on est contre l'islam, contre la religion. Hein? Et même il y en a même parmi les koufars aujourd'hui, non seulement qui sont contre la religion, ils veulent essayer d'interdire l'islam, d'interdire le Coran. Et aussi bien, et en passant, qu'ils interdisent aussi la Bible, hein. Parce que même dans leur Bible aujourd'hui, il y a des lois que l'islam est venu justement abroger parce que ce sont des lois qui sont, il y a les contraires justement à qu'est-ce qui est, les meilleures lois dans la religion. Donc, il y a des choses que si eux suivaient dans la Bible à la lettre, qu'est-ce que Allah a révélé dans leur Bible aujourd'hui, eh ben, on ferait face à des choses vraiment difficiles, sérieusement. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit que Mustafa al-Siba'i, il dit par la suite, à la fin, pour conclure, qu'est-ce qu'on veut dire, pour résumer, on ne veut pas faire une révolution, ou bien un renversement de nos lois actuelles. On veut uniquement rapprocher entre la charia, entre les lois et la législation civile, et les théories islamiques, comme ils les appellent, les théories, Allah Musta'an. Et pour que ce soit en accord avec l'esprit de l'époque moderne, hein, l'époque actuelle, et pour mettre ces théories qui ont rapport avec les droits, يعني qui il dit ولأصدق النظريات الحقوقية السائدة فيه, c'est-à-dire il veut mettre en accord les théories islamiques et les théories de droit les plus en vue et les plus connues aujourd'hui qui sont les plus respectés ou les plus reconnus. Donc c'est comme si pour dire il veut essayer de mettre ensemble et de comparer les enseignements de l'islam avec les enseignements des lois civiles, puis essayer de les mettre à égalité pour dire regardez, c'est la même chose, hein. Donc le cheikh dit ici, on trouve que dans les législations de l'islam, il y a des choses qui sont en accord avec les théories modernes. Alors, est-ce que vous allez trouver un problème, une difficulté de prendre ces lois-là qui sont dans l'islam et qui sont en accord avec ces théories modernes et de les prendre comme étant un héritage nationaliste arabe, hein, que vous pouvez être fier de ces lois-là en disant elles sont nationales et elles sont arabes, hein, que ce sont des cultures, des choses culturelles qui font partie de notre héritage, parce que c'est soi-disant arabe. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est ça. C'est de prendre des lois des koufars et des choses qui sont enseignées par les koufars et d'essayer de prendre qu'est-ce qui est dans le Coran qui ressemble à ça, qui donne l'impression que c'est correct ou que c'est proche de ça, et de les mettre à égalité, puis d'interpréter l'islam selon ou à la lumière des idéologies occidentales aujourd'hui, et de les faire accepter ces idées-là aux musulmans par la suite. فانظر إلى كلامه تجد أنه لا يمت لروح الإسلام بصلة إن كلامه لا يدل على أن الإسلام دين سماوي وتشريع إلهي ضمن الله عز وجل لمن أخذه بإيمان واتبع تعاليمه بإخلاص العزة في الدنيا والسعادة في الآخرة, بل سمى تشريعته وتعاليمه نظريات وسمى القوانين المدنية تشريعات وقرر الأخذ بما وافق من نظريات الإسلام للتشريعات المدنية الموافقة لروح هذا العصر وفي هذا الكلام مساواة على الأكثر للتشريعات المنزلة من السماء ودين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بقوانين الأرض وحالة الأذهان وحسالة الأذهان وحثالة الأذهان لأنه إذا قرر الأخذ بما وافق القوانين من تعاليم الإسلام فقد جعل قوانين القوانين أكمل من تعاليم الإسلام التي نزلت من السماء وهذا من أعظم الكفر بتعاليم السماء ودين الرسول صلى الله عليه وسلم بل إن من جعل شريعة الله مساوية للقوانين كفر كفرا اعتقاديا يخرجه من الملة ويجعله مخلدا في النار وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا ناقضا من نواقض الإسلام فقال الرابع من نواقض الإسلام من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. Donc le cheikh il dit, on va terminer avec ça aujourd'hui, il dit regardez qu'est-ce qu'il dit dans cette parole-là. Il parle comme que sa parole indique quelqu'un qui n'a aucun respect pour soi-disant l'esprit de l'islam. Sa parole n'a aucun lien avec l'esprit de l'islam. La parole quand il parle, on dirait que ça indique que pour lui, l'islam, c'est pas une religion céleste, c'est pas une législation divine. Hein, que Allah a promis ou garanti à celui qui prend cette religion avec foi et qui suit ses enseignements avec sincérité, Allah va lui donner la puissance sur la terre et le bonheur dans l'au-delà. Quand il parle, on ressent pas ça. Hein? Et il dit, regardez comment il appelle les lois des koufars et le système des koufars, il l'appelle des législations, des shri'at. Et les paroles d'Allah et la législation d'Allah et les enseignements de l'islam, ils les appellent nazariyat, ils les appellent des théories. Donc c'est comme si, qu'est-ce qui vient des hommes, ils l'appellent tashri'at, et qu'est-ce qui vient d'Allah, ils l'appellent nazariyat, ils l'appellent théorie. Hein? Et il a même impliqué, ou il a même dit, que, il a confirmé que celui qu'il veut prendre, c'est ce qu'il dit lui dans cette parole qu'on a lue, il veut prendre des théories de l'islam, ce qui est en accord avec les législations civiles qui sont en accord avec l'esprit de notre époque. Donc, dans cette parole-là, c'est comme s'il est en train de mettre à égalité les lois faites par l'homme sur la terre et qui sont le fruit des esprits des hommes et le mettre comme une base et de prendre de l'islam uniquement ce qui est en accord avec ces lois faites par l'homme. Donc c'est comme s'il a mis les lois de l'homme à un niveau de perfection au-dessus de la charia de l'islam, et puis ensuite il dit on va prendre dans l'islam tout ce qui est en accord avec ces lois faites par l'homme. Et donc il a la loi qui vient d'Allah, qui vient des cieux, il la met en bas, puis la loi qui vient des hommes, il la met au-dessus, et il dit, cette loi faite par l'homme, elle va décider et elle va juger de ce qu'on va prendre de la loi d'Allah. Et donc, le cheikh dit ça, c'est une des plus grandes formes de kufr en les enseignements de l'islam et en la religion du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit même en fait, celui qui met la charia d'Allah à égalité avec les lois des hommes, il a rejeté la foi, il a mécru d'une mécréance qui le fait sortir de la religion complètement et qui fait en sorte qu'il sera éternellement dans l'enfer. Hein? Sa mécréance est une mécréance dans la croyance, dans l'aqida, qui le fait sortir complètement de la religion et qui le fait rester éternellement en enfer. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a calculé ça parmi les forme de nawaqid de l'islam, des choses qui annulent l'islam d'une personne. Dans le point numéro 4, quand il a parlé des choses qui annulent l'islam, il dit, quiconque croit que un jugement autre que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'une autre guidance, autre que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est meilleure et plus parfaite que sa guidance, ou que son verdict et son jugement, qui a un verdict ou un jugement meilleur que le sien, alors dans ce cas-là, il a préféré le jugement du Tawarit sur son jugement. Donc c'est comme s'il a mis le jugement du Tawarit au-dessus du jugement d'Allah et de son messager. Et il y a bien entendu beaucoup de preuves de la mécréance des gens qui font des choses pareilles, et on va lire ça demain, Inch'Allah. On va s'arrêter donc ici, à ce point. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أدمى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته